أن من مات على الشرك الأكبر toutes ses œuvres elles sont annulées. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. Ça annule toutes les œuvres. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولقد أوحي إليك أي الله لا révélé à son messager وإلى الذين من قبلك tous les messagers لئن أشركت ليحبطن عملك. Si tu fais du shirk, on annulera toutes tes œuvres. والأنبياء والرسل ولله الحمد سمع صمون عن هذا. Ils peuvent pas tomber في هذا. Et c'est أئمة الموحدين. لكن أنت أخي الكريم t'es pas à l'abri. وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Si ils tombent في الشرك, الله سبحانه وتعالى il annule tout ce qu'ils ont fait. وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut جل وعلا. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره فاحذر أن تشرك بالله شيئا فتهلك. Fais attention de ne pas te détruire avec tes propres mains. Fais attention de ne pas t'emmener à ta perte avec tes propres mains, avec ta propre langue, avec ton propre cœur. أيها الإنسان. قال العلامة سليمان آل الشيخ رحمة الله عليه في كتابه النافع تيسير العزيز الحميد فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام. Ça, ça te montre أن الشرك إلى نلتو التوحيد والصلاة والصيام والحج et toutes les adorations elles te seront utiles أخي المسلم avec l'ikhlas والتوحيد. الشرك كما يفعل البعض. Ils vont dans des tombeaux, dans des mausolées, et ils demandent, Ya Sidi Foulan, donne-moi, Ya Sidi Foulan, mon enfant, il est malade, Ya Sidi Foulan, ma fille, elle n'arrive pas à se marier, ils égorgent. Ha'oula, al-shahada, wassiyam, wassala, al-hajj, toutes ces années, annahu il allait au masjid, il faisait des ibadah, fa'indallah, c'est pas maqboul, abadan. Walaqad uhiya ilayka, wa ila alladhina min qablika, la'in ashrakta. Et ça, c'est du shirk, ce qu'on a cité. Anahu il demande aux morts, Anahu il sacrifie pour un être humain. Alors que le sacrifice c'est pour Allah Azza wa Jal. Fahada, il a annulé toutes ses œuvres. Est-ce que tu connais un khusran plus grand que Hada? Hada, c'est ça la perte. Falihada qala Azza wa Jal, wa la takunanna min al-khasirin. C'est ça le khusran. Ba'd al-nas, rubbama, il perd de l'argent, ça lui fait du mal jitten. Yana sahih, il a souffert des années. Rubbama, il a rassemblé cet argent, ou il a construit cette maison, ou il a acheté cette voiture, et du jour au lendemain, une injustice ou autre, et ce bien disparaît, ça lui fait du mal. 30 ans ou 40 ans de salat, al-hajj plusieurs fois, al-umra plusieurs fois, al-siyam, chaque année un mois, tous ces sacrifices, et tout ça, c'est pas accepté indallah. Wala takunanna min al-khasirin. C'est ça le khusran. فاحفظوا أيها المسلمون على أعمالكم. C'est ça رأسul mal. يوم القيامة, ton argent, tes biens, tes enfants, ta maison, ta voiture, ça te sera d'aucune utilité. رأسul mal, ton capital الحقيقي النافع بإذن الله عز وجل, c'est ses ibadat. Ne les annule pas pour des khurafat. Ne les annule pas pour des légendes, pour du kadib. Pour quelque chose de tafih jiddan. قال الشيخ سليمان إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله. Vous vous rappelez du hadith, من قال لا إله إلا الله خالصا أو يبتغي بذلك وجه الله. Et قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أي sa shahada elle est acceptée. هذا الآن contredit. Il a des ibadat, lakin il est où? Elle est où la condition, la sincérité? L'an il a associé avec Allah. Elle est où la condition? Yakfur bittagut. L'an il adore autre qu'Allah. Had al-din il est complet. Had al-din on doit le prendre comme il est dans les textes, pas comme je comprends moi, ou toi, ou nos parents. Ba'd al-nas 'inda, il dit la shahada, ربما ni salat ni siyam, et ربما il la contredit لينها, et il pense qu'elle lui est utile. Elle n'est pas utile, أخي الكريم. هذه الشهادة كما قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد قيدت بقيود ثقيلة des conditions. قال الشيخ سليمان شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين celui qui prononce les deux shahada il dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعبد غير الله il adore autre qu'Allah que ce soit un sacrifice الدعاء الاستعانة الاستغاثة il fait un vœu pour autre qu'Allah toutes ses ibadah que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullah alayhi il a détaillé dans le kitab al-Tawhid فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما même s'il prononce c'est d'aucune utilité la prononciation c'est une obligation mais ça ne suffit pas là au bout d'une prononciation avec une croyance et on ne contredit pas avec nos œuvres فلهذا المنافق à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait shahada C'est pour ça que c'était des munafiqoun. Il y en a, ils faisaient apparaître l'islam. Et la première chose avec quoi tu fais apparaître ton islam, c'est le shahada. Et ils faisaient le salat, et ils faisaient le hajj, etc. Avec le Nabi, alayhi sallam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, innal munafiqina fi d-darki l-asfali min al-nar. Ils sont au plus bas fond de l'enfer. Ma'a annahum ils disent shahada. Enfin, si la prononciation seule, elle suffirait, elle serait profitable, utile, elle aurait été utile aux munafiq. La prononciation c'est une chose et la contredire c'est une autre. قال الشيخ سليمان وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. تأمل أنت يهودي تصور يهودي سيدي لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله. On lui dit ça implique que t'adores Allah seul donc tu dois délaisser l'adoration de Uzair. وهكذا النصراني. Il veut se convertir il dit يشهد أن لا إله إلا الله. On lui dit ça implique Cette parole que tu as dit, que personne ne mérite l'adoration, donc tu ne dois pas adorer Isa. S'il dit là, je continue à adorer Isa et il dit Shahada, est-ce que ça lui est utile, Akhil Karim? Abadan, abadan. قال الشيخ سليمان ومجرد التلفظ بهما أي بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناها واعتقاده إجماعا. هذا الكلام de الشيخ سليمان il est مهم. لماذا؟ لأنه يغبط الإجماع. Ça lui est d'aucune utilité selon l'unanimité ijma' al-ulama. Il n'y a pas de khilaf. Et on a une croyance, on comprend le sens et on adore Allah seul et on ne fait pas de shirk. Fahdhar akhi al-muslim min hadha al-dhanb al-azim. يقول الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأمل موقف الصالحين لقمان ذلك الرجل الصالح إن سورة في القرآن porte son nom الله سبحانه وتعالى l'a cité le conseil qu'il donne à son fils لأنه c'est un صالح رضي الله عنه il veut du bien à son enfant il n'a pas conseillé fait des études fait kada fait... là il l'a conseillé أهم شيء et c'est ça qui lui sera utile في الدنيا وفي الأخرى يا بني لا تشرك بالله Oh mon fils, oh mon enfant, fais attention au shirk. Léana Lokman, il sait que s'il tombe dans le shirk, même s'il a un niveau élevé fit dunya, même s'il a des enfants, même s'il a une maison, même s'il a toutes ces choses, ça passe très vite. Et Yom al-Qiyama, il regrettera. On fait des efforts fi hada et on met en garde contre hada, khasatan nos proches. Famina dhulm, adhabhu li ghayrillah. Ça, c'est bien le shirk. Qala nabiyuna al-karim, sallallahu alayhi wa sallam. من أو لعن الله من ذبح لغير الله فيا أيها الأب يا أيتها الأم لأن les personnes âgées كثير منهم ils tombent في هذا الشرك l'ignorance suivre leurs parents les ancêtres فربما ils voient pas le mal ce prophète que tu aimes tant لأنهم ils aiment le rasoul هذا الرسول il dit لعن الله من ذبح لغير الله فلماذا t'égorges pour Sidi Fula Limada, tu sacrifies et tu vas au mausolée. Limada, si ta femme elle n'arrive pas à avoir d'enfant, ou ta fille elle n'arrive pas à se marier, ou ton fils il est malade, limada t'égorge pour la tombe. Limada. لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ces choses, c'est réservé exclusivement à Allah. As-salat wa nusuk. An-nusuk, c'est dhabh, les sacrifices. Fata salat, tu l'as fait que pour Allah. Kadhalik, les sacrifices. Min al-zulm, aydan, al-isti'anatu bighayrillah. والدعاء والتقرب إلى الأولياء والصالحين قال الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وهذا كذلك سي بروباجي خاصة عند الناس الكبار ils ont des choubes il va عند الولي الصالح et Allah علم est-ce que c'est un ولي est-ce que c'est un صالح Allah علم بحاله لكن même si c'est un ولي بل on rajoute même si c'est un نبي Là, يجوز, tu l'invoques en dehors d'Allah. Isma ila qawli rabbik jalla wa ala. Wa la tad'u min dunillah. Ça englobe tout. Celui que t'invoques, c'est Allah. Une créature, t'as pas le droit. Quel que soit son niveau, fil ilm wa salah wa al-huda. Wa la tad'u min dunillah. Ma la yanfa'uk. Wa la yadurruk. Billahi alayk. Est-ce que ce mort, il peut être utile avec quelque chose? Pourquoi tu demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Directement. Allah subhanahu wa ta'ala يستجيب الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعا قال عز وجل وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم et Allah subhanahu wa ta'ala il descend dernier tiers de la nuit في السماء يقول هل من مستغفر فأغفر له فالمخلوق il peut pas t'aider et il peut pas te nuire إلا أيشاء الله فغوvien à Allah أخي المسلم غوvien à Allah أختي المسلمة قال جل وعلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ce que vous invoquez en dehors d'Allah il peut rien pour toi il peut pas donner de risque que ça soit الرزق المعنوي العلم etc أو الحسي les enfants la nourriture etc il peut rien te donner فابتغوا عند الله الرزق reviens Allah Allah subhanahu wa ta'ala est créé il est capable de tout on est d'accord sur ça Il peut tout donner. Falimaïda, tu ne le demandes pas direct. Tu lèves les mains et tu dis Ya Rabb al-Alamin et demande. Falimaïda, il le shaitan. Il veut égarer Ha'oula pour les faire sortir du tawhid qui tombe fait shirk. Fayahlakoun.